page des sports pour les poumons, les faits divers que l'on mâchonne, le poker d'as pour l'émotion, le jeu de dames avec la bonne. C'est l'homme. Le poil sérieux, l'âge de raison, le cœur mangé par la cervelle, du talent pour les additions, l'œil agrippé sur les pucelles. La chasse à court chez Bertrand, le dada au bois de Boulogne, deux ou trois coups pour le faisan, et le reste, mon Dieu, pour l'Amazon, voyons, c'est l'homme. Les 5 à 7, pas vu, pas pris, la romance qui tourne à vide, le sens du devoir accompli, et le cœur en celluloïde. Les alcôves de chez Barbès, au secret de Polichinelle, l'amour qu'on prend comme un express, alors qu'elle veut faire la vaisselle, c'est l'homme. Le héros qui part le matin à l'autobus de l'aventure et qui revient après le turbin avec de vagues courbatures. La triste cloche de l'ennui qui sonne comme un téléphone, le chien qu'on prend comme un ami quand il ne reste plus personne. C'est là. Les tempes grises vers la fin, les souvenirs qu'on raccommode avec de vieux bouts de satin et des photos sur la commode. Les mots d'amour rafistolés, la main chercheuse qui voyage pour descendre au prochain arrêt. Le jardinier de la fleur de l'âge, c'est l'homme. Le va-t-en-guerre, il faut y aller, qui bouffe de la géographie avec des cocardes en papier et des tonnes de mélancolie. Du goût pour la démocratie, du sentiment à la pochette, le complexe de panoplie que l'on guérit. La buvette, c'est là, non? L'inconnu qui salue bien bas les lances des douloureux cortèges et qui ne se rappelle pas qu'il a 75 berges. L'individu morne et glacé qui gît bien loin des mandolines et qui se dépêche à bouffer les pissenlits par la racine. C'est l'homme.